Bienvenue aux amateurs de rock progressif à notre rendez-vous hebdomadaire sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières, et vous écoutez Rock de Neurones, et je suis Jimmy Farley pour vous accompagner lors des deux prochaines heures. Et aujourd'hui, nous allons faire une rétrospective des coups de cœur de 2021 avec Life Signs d'Angleterre, Needlepoint de Norvège, Caligonut et George So aussi de Norvège. On aura Cyan d'Angleterre, Fragile d'Allemagne, Inner Prospect d'Italie, Diagonal d'Angleterre, et on va conclure avec Tillison, Rheingold et Tyranty. Ça, c'est un groupe multinational. Alors, l'émission d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine sont consacrées aux pièces que j'ai le plus appréciées en 2021. Et nous allons débuter avec la formation britannique Life Signs, qui a sorti en 2021 l'album Altitude. Et ça, c'est le troisième album depuis 2013. Et la pièce que vous allez entendre, c'est la pièce titre de l'album. Ensuite, on aura une nouveauté qui nous vient de la Norvège cette fois-ci. Il s'agit du groupe Needlepoint, qui vient de faire paraître Walking Up That Valley. Ça, c'est leur cinquième album en 10 années. Et la pièce que vous allez entendre, c'est encore une fois la pièce titre de l'album. Donc, voici donc Life Signs. Spreads all in front of me now. As far as my ears can hear, I will be waiting for sounds of wide open spaces. As far as my touch can feel, all the air that surrounds me now. I float like a cloud on the breeze. All that confounds me, it seems so plain to me now. There's nothing that astounds me. As far as my sights can see, clear as daylight, lit up like a Christmas tree. Target destroyed, I never knew them at all. Nothing escapes me. Could be something better. The tears roll right down my face. I could be some. could be so much better. The rain runs right down my face, and I could be so much better in this empty space. So much better in this. up that valley. I felt that all the stones and flowers that I passed belonged to me. The creek along the path told me I'm free. I felt brighter than stars, brighter than the sun, bright as a waterfall. The scent of a thousand flowers filled my soul with such a pleasure, it almost felt like flying. The breeze, a caress from Mother Earth, an eagle up high, white clouds in the sky, turn my heart into a butterfly. walking down the valley, I felt that all the stones and flowers that I passed belonged to me. The creek along the path told me I'm free. I felt brighter than stars, brighter than the sun, bright as a waterfall. The scent of a thousand flowers filled my soul with such a pleasure. It almost felt like flying. The breeze, a caress from Mother Earth, an eagle up high, white clouds in the sky, turn my heart into a butterfly. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Alors, avant de débuter le deuxième segment de l'émission, je vous rappelle qu'avant la pause, vous avez entendu la formation norvégienne Needlepoint et ça a été précédé de Life Signs qui nous vient d'Angleterre. Pour le deuxième segment de l'émission, bon, on va rester en Norvège avec deux groupes. Le premier, c'est Caligonaut. Et la pièce qu'on va entendre, c'est Emperor, tirée de leur premier album Magnified as Giants. Et on va finalement rester en Norvège avec George Shaw et la pièce George 3, tirée de Pastoralia. Ça, c'est leur sixième album en carrière. Alors, allons-y avec Caligonaut. Everything, drain it all out, you'll so long. I've seen the people caught in line. They will know who I am now. We'll never give you up. Their smearing game just summons us. We'll burn up the lies they feed. Make us forget who we were and what we meant. A unity is forever. We don't need anything. Here falls the shadow between us. Between us is the void. And though our eyes are empty, they are my home, the

pining in your intimate theme and the spits from the all of them are dim from newspaper. Heftige steinrøys gubber med svovelåte gisper opp mot himmelen. Det kveld, og avlange og litt bedrøvede striper har lagt seg på rygg, over sjøen og sandmarken. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurone avec Jimmy Farley. Pour ceux qui désirent obtenir l'information concernant la musique qui est diffusée aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous rappeler qu'elle est disponible sur la page Facebook de l'émission Rock de Neurone. Vous allez y trouver toute l'information concernant les pièces là, qui sont diffusées durant les deux heures que dure l'émission, et plus exactement bien, les titres et la durée des pièces, le nom des albums et des artistes, et aussi le pays d'origine des artistes. Alors maintenant, retournons à la musique, et je vous rappelle que vous écoutez une émission spéciale de Rock de Neurone consacrée à mes coups de cœur de l'année 2021 sur la scène du rock progressif, et en ce début de troisième segment, j'aimerais vous amener en Allemagne et vous présenter le groupe Fragile. C'est un groupe qui existe depuis 2020 et on leur prête deux albums studio, dont le plus récent est intitulé Beyond, et duquel j'ai extrait pour vous la pièce The Golden Ring of Time. Et on va poursuivre et conclure avec la formation britannique Scion, qui nous a offert en 2021 une reprise très actuelle et assez bien réussi de leur album Forking and Country, qui est paru originalement en 1993, et la pièce qu'on va entendre s'intitule The Sorcerer. Alors, auparavant, on débute avec Fragile. Thank you. people and places, memories you have known, a long forgotten childhood, all the dreams on which you've grown. The knights of the round table, all those Sherwood Forest men, creatures wild and magnificent, you relive your dreams again. Dreams of ancient castles, as you're gliding through the air, you see a small child being carried by a man with long white hair. The child is a young King Arthur in the care of a wise old man. The wizard's going to save our country. It's the start of his magical somewhere on a sandbank there's a dark man and he's holding a bright golden ring. Then suddenly, without warning, he throws it out into the sea. A dingy lamp, but found it lying on the sand the morning after. It was light, but it was heavy, and it made a peculiar sound, like angels singing together. It was square and yet perfectly round. I couldn't understand what I was holding in my hand, but I was curious. Thank you. twilight flash through my head. On the rerun, how I wonder what I'd do, what I did if I knew. Too late to change my mind. Vous êtes à l'écoute de Rock de Neurones avec Jimmy Farley. Je vous rappelle qu'avant la pause, vous avez entendu le groupe britannique Cyan et ça avait été précédé de Fragile. Ça, c'est un groupe qui nous vient d'Allemagne. Alors, pour le quatrième et dernier segment de l'émission, qui, je le rappelle, est consacré au meilleur moment de l'émission Rock de Neurone de 2021, je propose trois extraits de musique, dont le premier nous vient d'Italie. Il s'agit du groupe Inner Prospect, qui nous a offert un 11e album en 2021 quand même. Là. Il s'agit de Canvas 2, dont j'ai extrait la pièce Why Me. Ça sera suivi de la formation britannique Diagonal, dont on connaît 4 albums studio. Et ce qu'on va entendre, c'est la pièce Amen, extraite de leur plus récent CD, simplement intitulé 4. Pour terminer cette émission spéciale de Rock de Neurone, j'aimerais vous présenter une formation multinationale dont le nom de Tillison, Rheingold et Tyrenti correspond en fait au nom des trois musiciens qui se sont regroupés pour un premier opus. Il s'agit de Andy Tillison qui nous vient du groupe de Tangent. Il est accompagné de Jonas Rheingold, lui qui vient du groupe The Flower Kings. Et on a Roberto Tirenti qui, lui, a œuvré au sein de plusieurs formations italiennes, dont Mengele Vallis et Neutrals. Alors, on débute ça avec Inner Prospect. Tell me there's a light Thank you. piazza è ferita. Un ordine nuovo. E in un mondo impazzito. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est la formation multinationale Tillerson, Ringgold et Tyrenti. Et ça a été précédé de Diagonal d'Angleterre. Et on a débuté le tout là, avec un extrait de l'album Canvas 2, Dinner Prospect. Alors, avant de terminer, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez écouter cette émission en rediffusion les dimanches de 10h à midi et les mardis de midi à 14h. Ça, c'est toujours sur les ondes de C'est fou, le FM 89.1 à Trois-Rivières. Et de plus, l'émission est disponible sur Internet à partir de SoundCloud. Pour y accéder, vous avez qu'à taper Rock de Neurone dans la barre de recherche. Et en plus, si vous désirez connaître les détails exacts concernant les pièces, les albums et les artistes qui ont passé durant l'émission, bien, vous n'avez qu'à consulter la page Facebook de Rock de Neurone. Cette page Facebook contient aussi un lien qui vous conduira là, à plus de 150 émissions archivées. Et j'en profite pour vous mentionner que je publie gratuitement une infolettre hebdomadaire qui recense les meilleurs albums de l'année en cours. En plus de faire la liste de tous les albums à venir, j'inclus aussi la liste de tous les spectacles qui sont prévus dans les prochains mois. Et en plus de vous donner la feuille de route de chacune des émissions, ça c'est publié en général le samedi matin pour l'émission du lundi suivant. Alors, tous ceux qui souhaitent la recevoir n'ont qu'à me laisser savoir en privé sur la page Facebook, en n'oubliant pas de me retourner une adresse courriel. Bon, eh bien, c'est Jimmy Farley qui vous souhaite une très bonne semaine et j'espère que vous avez apprécié l'émission.